ressemblant comme deux gouttes d'eau. França, 93. O outro não é um judeu, como nos anos 40, perseguido pelos nazis. Nem um negro norte-americano, músico, que suscita a simpatia. É muçulmano, preto, talvez, com toda a probabilidade, cidadão de segunda classe. Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. O muçulmane imigrado aguenta. No Sudão, por exemplo, seria ainda pior, muito pior a sua sorte. Adapta-se o melhor que pode em Belleville, um bairro popular de Paris, entre árabes, africanos e chineses, na vizinhança do local de nascimento de Edith Piaf. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette djellaba, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Soudan, mon Soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, Soudan, mon Soudan, suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que Soudan, mon pays, soudain se soulève. Oh, c'est déjà ça. Alain Souchon, francês, nascido em Marrocos, de pais europeus. Imigrantes, de outra cor, todos nós. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule. Et là, le temps est mobile, cool. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Change is gonna come. Há uma semana ouvimos o original de Sam Cooke, combatente pelos direitos civis, assassinado aos 33 anos, em circunstâncias estranhas. Hoje, a versão de Tina Turner. Foi a cena do ódio, apresentada por Catarina Limão e produzida por António Santos. Escolheu e escreveu David Ferreira. cena. Glória Ponte, David Ferreira, para ouvir em antena1.rtp.pt. Aproveitamos agora para espreitar as máximas previstas para hoje. 34 graus para Faro, 33 para Castelo Branco, 30 para Bragança, 29 para Lisboa, 28 para Vila Real, 27 para Viseu, Braga e Coimbra, 23 graus para Viana do Castelo. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel, 13h passé de 1 minute. Michel avec vous jusqu'à... comme vous voulez. Je peux passer la nuit si vous voulez. Non, je plaisante la partie. Jusqu'à 15h30. Pour cet accordéon de nos régions, accordéon musette également. Et des anniversaires. Bon après-midi sur le 96.2, la radio tout en couleur. L'indicatif du dimanche et du lundi, provisoirement bien sûr, c'est Erika, la princesse belge de l'accordéon, et c'est Rivers of Babylon, la rivière de Babylone. La Touraine en chanson, et c'est Mick Brea. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas Mick Brea. Thank you.

commençons le premier anniversaire, si je puis dire. Michel ou Françoise, mon cavalier sera trouvé. Et danser sur la Champenoise, comme on le fait depuis tant d'années. De Loire-et-Cher à la mer du Loire, ça fait longtemps que chacun la connaît. Cette année, c'est loi du 1930, baptisé au plus tard de ce nom si doux. Depuis ce temps-là, toute la France la fredonne comme un air de chez nous. Allez, mes demoiselles, gardez bien le pas, tenez la cadence. Vous, messieurs, officiers légers, on compte sur vous. Car le Chapeloise, elle est à coup sûr la plus jolie danse. L'amitié, l'envie de danser sont en rendez-vous. La Chapeloise avec Franck Salé. Eh bien, on va démarrer donc cette marche, ce souvenir. Je n'étais pas grand, mais je me souviens quand même. On avait les parents, les grands-parents, ils écoutaient avec l'oreille contre le poste à lampe, bien sûr. Il ne s'agissait pas de circuits imprimés, ni même de transistors. Et voici ce qu'on écoutait. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. B est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Ici Londres. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie. Et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Et maintenant, la suite de nos informations. Ici Londres, notre 9e bulle d'information est terminée. Honneur et patrie. Allô, allô. Maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie. Écoutez bien, les consignes fraternelles que nous vous adressons en plein accord avec les autorités d'Amour. Primo, la mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, en aucun cas diminuer votre mobilité. Mobilité qui, en cas de nécessité, doit vous permettre de changer complètement de région. Deuxièmement, le risque de l'Allemagne est de déclencher une insurrection et un combat général prématuré. Le but des Allemands est de vous accrocher pour vous détruire. La riposte consiste à savoir vous décrocher, à savoir, suivant les cas, éviter ou rompre le combat, à savoir vous disperser pour vous reformer aussitôt en vue de harceler l'ennemi à plein action au moment venu. Je dis la même que vous définissions l'autre jour en vous disant. D'une part, l'heure de l'action a sonné. L'heure a sonné, par exemple, pour les réfractaires armés de la région savoyarde de renforcer les maquis. Pour les travailleurs de la région savoyarde de secourir les maquis par des grèves et des actes de sabotage déclenchés ou opérés sur certains points choisis. Pour tous les patriotes savoyards de faire jouer sans réticence la solidarité française avec leur avant-garde au combat. Mais d'autre part, il est trop clair que l'ennemi calcule ses provocations pour forcer l'ensemble des patriotes à se découvrir avant leur hache. Trop clair par conséquent que l'insurrection générale, du fait même que selon la formule du général de Gaulle, elle est inséparable de la libération nationale, doit être coordonnée avec l'assaut final des armes alliées contre la Bastille européenne. D'une part, laisser l'ennemi vider la France de sa jeunesse et de sa substance serait un crime. D'autre part, lui donner l'occasion de profiter d'une supériorité provisoire qu'il a perdue sur tous les fronts, sauf sur le front des martyrs, pour décapiter la résistance et massacrer l'élite combattante du pays, serait une faute héroïque. Or, même héroïque, une faute est elle aussi parfois pire qu'un crime. Terrible dilemme, en vérité. Il faut que la colère de la France s'exprime partout et partout se traduise en actes. Mais il faut aussi qu'elle se contienne assez pour n'éclater tout à fait, pour ne déborder tout à fait, qu'au jour où l'égalité des armes renforcera la supériorité du clan. Harceler l'ennemi en attendant de se mesurer ouvertement avec lui. Saboter tantôt par la grève, tantôt par la grève perlée, tantôt par la lenteur voulue, tantôt par l'action directe, la machine de guerre ennemie en attendant de l'attaquer à visage découvert. C'est à la fois la seule et un moyen assassin de saper l'Allemagne affaiblie et l'anti-France affairée que de leur livrer partout cette inlassable guérilla. Tel est le haut exemple que sauront nous offrir à la fois les maquis de Haute-Savoie, la population mobilisée pour les secourir et les patriotes de la garde mobile ou de la police qui pratiqueront toujours davantage à leur bénéfice la désobéissance systématique aux ordres de l'ennemi. Voici la discussion des trois amis. En juin 40, il n'y avait plus rien. Mais laisse-le, il me dit que des âneries, voyons. Je ne dis pas des âneries. Je constate les faits. Oui, pas. En juin 40, voilà un fait. Il restait une division anglaise avec quelques canons. Oh, fichez-moi la paix tous les deux avec votre juin 40. Vous me faites enrager tout de même. Pousse tes éditions de côté, tu vas tout à dire. Je me fous de mes éditions. Il y a tout de même des choses que je peux pas entendre sans protester. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris. Après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude, pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée

qui avait fait, pas les mêmes, hein, je vous le dis tout de suite, qui avait fait la guerre de 14-18. Nous en étions 25 ans en retard. Voilà. Et le 18 juin, donc les gens de la BBC, la BBC comme on dit, la British Broadcasting Corporation, à Londres, n'ont pas enregistré son message parce qu'ils ont vu ce général qui était complètement inconnu, qui n'avait aucune responsabilité, et n'ont pas enregistré, donc est obligé de le refaire 3 ou 4 jours après. Mais la veille, le 17 juin, le maréchal Pétain, elle s'adressait à la nation. On l'écoute si vous le voulez bien. Ça y est, vous êtes fixé. Si vous le voulez bien. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Et le 17 juin, le général de Gaulle s'envolait donc pour Londres. Et les premiers résistants, je crois que c'était 125 ou 128, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, c'était tous les hommes valides de l'île Dieu qui ont rejoint les premiers, le général de Gaulle, à Londres. Voilà, quelques extraits donc de cette époque. On va écouter un petit peu de musique pour meubler et on revient à l'époque. C'était donc l'annonce du débarquement en Normandie. Alors un petit peu de musique en attendant. Ma tourangelle à Paris travaille toute la semaine. Il faut bien gagner sa vie, mais quelle vie de folie. Heureusement que le samedi, elle retrouve sa touraine. Pas danger qu'elle oublie. Alors, quelques secondes, c'est le moment de changer. Ma tourangelle à Paris plane sur les bords de Seine. Chaque fois, ça lui rappelle. Le jour le plus long, bande originale du film de Daryl Zanuck, composé par Paul Anka et Maurice Jarre. Que quelques temps après, les Américains étaient aux portes de Paris. Le général de Gaulle voulait en faire un honneur pour la France. Paris sera libéré par les Français. Il est intervenu auprès du général Eisenhower, qui était le grand patron des armées alliées, et il a réussi à le convaincre de cette demande. Et le général Eisenhower a dit « Ok, pas de problème ». Donc là, les Américains se sont arrêtés à quelques kilomètres de Paris et c'est la 2e division blindée du général Leclerc qui est rentrée le premier à Paris. L'histoire a continué jusqu'à Strasbourg et jusqu'à Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler. La suite, vous la connaissez. C'est en gros le message qui annonce le débarquement allié. Nous nous sommes rendus aujourd'hui en ce jour anniversaire au blockhaus de Tourcoing dans le Nord où les Allemands ont intercepté ce message. Le blockhaus rénové fut transformé en musée à la fin des années 80 par une association nordiste. Par l'intermédiaire de son vice-président Alain de Fretin, étudions ces fameux vers et leur portée. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent, de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Et voilà notre participation, c'est aujourd'hui de Radio Arc-en-Ciel, petite participation bien sûr, à la guerre de 39-40. Il faut dire, pour la petite histoire, que le général de Gaulle avait été condamné à mort par l'armée, le ministre des armées françaises à l'époque, et que le général de Gaulle, avant le 18 juin, était sous-secrétaire d'État à la guerre. Il avait vu, par les renseignements bien sûr, il avait vu que l'armée allemande était faite de blindés, et non pas de chevaux comme nous. Et on avait donné, le gouvernement du maréchal Pétain avait donné l'ordre à l'armée française de détruire tous les ponts sur la Loire, entre Gien et Saint-Nazaire. Mais c'était au mois de juin. Et ils n'avaient pas pensé que la Loire est très basse à cette époque, et que les blindés sont passés facilement à côté des ponts. Donc ça n'a servi strictement à rien, ne serait-ce qu'à dépenser de l'argent. Grosse erreur, donc. Et à la fin de la guerre, le général de Gaulle n'a pas condamné le maréchal Pétain, qui était le grand vainqueur de Verdun, en 1916, pardon. Et il n'a pas condamné à mort, donc il l'a assigné à résidence à l'île de Sein. Voilà. Et le maréchal est décédé, je ne sais plus à quel âge, 96 ou 97 ans, de sa propre mort. Voilà un condensé de l'histoire, donc, de juin 40. Ensuite, j'aurai un autre anniversaire à fêter, bien sûr. C'est celle de la fête des papas. C'est autre chose. C'est plus sympathique, hein. Alors, pour ceux qui veulent m'appeler pour une dédicace, ben, faites-le tout de suite. Paris joli, le Paris plein d'histoire, qu'ils appellent ainsi sa touraine et sa loi. Dans mon cœur, au fond de mes prières, sous la hache en mes labeurs, il vit au fond de moi, j'y trouve à chaque fois les yeux d'une bergère et la table d'un roi. La terre où je suis né, je l'ai souvent quitté pour courir les chemins. J'ai fait le balade.

Les Dames de la Loire par Mick Bréhin, de Bandet pour le plaisir personnel de Paulette Tafleur et les Aubrais. Excuse, mais il y a une petite erreur sur deux lectures. On va écouter donc, comme prévu. Comme prévu, on va écouter. Bien sûr, Mick Bréhin, mais ça s'appelle Les Dames de la Loire, voilà. Non, bah, c'est pas ça, décidément. On va y arriver, hein. De la Loire, autant de nos aïeux s'habillaient de dentelles. Les dames de la Loire avaient plein d'amoureux, mais elles restaient fidèles. Les dames de la Loire, au joli temps jadis, avaient un corps de reine. Les dames de la Loire, même sans leurs fleurs de lys, étaient des souveraines. Toutes marquises et princesses sortaient de leur château pour promener leur noblesse au parc de Montsoreau. Toutes avaient l'espérance de pouvoir un beau soir tirer en référence devant le roi de France. De la Loire, autant de nos aïeux s'habillaient de dentelle. Les dames de la Loire avaient plein d'amoureux, mais elles restaient fidèles. Les dames de la Loire, au joli temps jadis, avaient un corps de reine. Les dames de la Loire, même sans leurs fleurs de lys, étaient des souveraines. Toutes marquises et princesses sortaient de leur château pour promener leur noblesse au parc de Montsoreau. Toutes avaient l'espérance de pouvoir un beau soir tirer leur révérence devant le roi de France. Eh bien voilà, c'était donc Mick Bréhin. Il est très exactement 13h49, après 15h, on fera un hommage au papa, pour la fête des pères qui se trouve aujourd'hui. Bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de chansons, sinon presque pas, concernant les papas. C'est pas comme les mamans, mais enfin voilà. En gros, la fête des papas a été créée, je vous le dis tout de suite, par le fabricant de briquets flaminaires, je ne fais pas de la pub, hein, qui a l'idée, en 1949, de créer une fête des pères pour des raisons commerciales. Voilà, c'est démarré de là. Mais ça existait depuis l'Antiquité, la fête des pères, c'était une fête religieuse. Alors, honneur au papa, après 14 heures. Et on va continuer en ce qui concerne les dédicaces. C'est de la part de Mamie Geneviève pour l'animateur. Merci. On va écouter Ma petite fleur des champs de Roger Sy, interprétée par Nadine Poulier, que j'ai reçue ici, et Maurice Parotti. Oui, je crois que l'orchestre de Nadine Poulier, je l'ai reçu pratiquement en dernier avant le confinement. C'est l'émotion, mais ça va mal. Je l'appelle

Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Eh bien, on va continuer donc les anniversaires, les fêtes et tout ce que vous voulez, et bien d'autres. On va continuer bien sûr jusqu'à l'émission, jusqu'à 15h30. Il nous reste 1h30. Et on va commencer par Jean-Marc Delorme, « Oh mon papa ». En souhaitant bien sûr une bonne journée au papa. On va donc intercaler quelques chansons sur les papas, il n'y en a pas beaucoup, je vous signale tout de suite. À ma connaissance, il n'y en a que deux ou trois. On va écouter maintenant une dédicace, prendre la vie du bon côté, c'est de la part de l'animateur pour Mamie Geneviève et pour Simone. Et il est très exactement 14h05 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est Nicolas Violet qui dit. La vie du bon côté. Le titre exact, c'est Prendre la vie comme elle vient. Mais ça revient au même, hein. De Charles Cassonnet, Emmanuel Blanchet, Yannick Clouzot et Nicolas Violet. Sans se soucier de demain, c'est ma philosophie depuis tout petit, depuis je n'ai plus de soucis. Prendre la vie comme elle va, sans se faire de tracas. S'amuser, rigoler sans tourment, avec mon accordéon magique, je vous joue mes plus belles musiques. J'aime la gaieté, oui c'est fantastique, que c'est beau la vie d'un artiste. Oubliez de penser à demain, profitez de l'instant présent. Faites-moi une place dans votre cœur, c'est moi le roi de la bonne humeur. Fantastique, que c'est beau la vie d'un artiste. Oubliez de penser à demain, profitez de l'instant présent. Faites-moi une place dans votre cœur, c'est moi le roi de la bonne humeur. Prendre la vie comme elle vient, sans se soucier de demain. Ma philosophie depuis tout petit, depuis je n'ai plus de soucis. Prendre la vie comme elle va, sans se faire de tracas. Profiter des moments, s'amuser, rigoler sans tourment. Et la valse de la forêt, interprétée par, je ne sais plus qui, Nicolas Violet. La valse de la forêt, demandée de la part de Simone, pour tous ses amis des têtes dansants, qui malheureusement en ce moment sont en confinement. Et pour Mamie Geneviève et pour l'animateur, merci Simone et bon après-midi à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas les papas. La valse de la forêt. revenir quelques années en arrière avec George Milton, et on va penser encore une fois au papa. C'est pour mon papa. Voilà. George Milton. Je ne sais pas si Milton, mais il met le temps. J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit et très mal bâti. Tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. Elle commande à chaque coup des robes de chez Patou. Mais elle l'habille, papa, ou décrochez-moi ça, l'habit qui ne va pas. C'est pour mon papa, les plus beaux vêtements, c'est pour ma maman. Le livreur, c'est tout le temps pour ma mère. Les factures, c'est tout le temps pour mon père. Les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. Les dessous troublants, c'est pour ma maman. Ses chaussures sont coquettes, mais les plus sales chaussettes, aux trous grands comme ça, c'est pour mon papa. C'est à maman que les gens font toujours de beaux cadeaux. Papa Sonigo ne reçoit que la peau. Tous les ans, le jour de sa fête, maman se fait offrir des choses de prix qui font toujours plaisir. Elle a des objets d'art, des sacs en peau de lézard. Mais papa, chaque fois, faut voir ce qu'il reçoit. Le pot de bégonia, c'est pour mon papa. Mais les gros diamants, c'est pour ma maman. Le plus beau, c'est tout le temps pour ma mère. Le plus moche, c'est tout le temps pour mon père. Le petit agenda, c'est pour mon papa. Les bonbons fondants, c'est pour ma maman. Elle invite tous les gens qui lui font des présents. Mais les frais du repas, c'est pour mon papa. Maman chaque matin fait sa petite balade en auto. Papa se lève plus tôt et se tape le métro. Maman au FIVO club boit le thé avec ses amis. Elle ne revient pas avant 8h30. Papa ne rouspète pas, c'est lui qui fait le repas. Il reçoit les livraisons et balaye la maison. Faire les œufs sur le plat, c'est pour mon papa. Faire du boniment, c'est pour ma maman. Le tango, c'est tout le temps pour ma mère. Le ballet, c'est tout le temps pour mon père. Faire la soupe au chat, c'est pour mon papa. Se payer de l'agrément, c'est pour ma maman. Quand elle flirte un peu trop avec les gigolos, faire pisser Mirza, c'est pour mon papa. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles. Et parmi les rayons du soleil qui nous ont oubliés aujourd'hui, je crois, il va revenir en fin de semaine, et je crois qu'on aura chaud, hein, d'après les prévisions météo. On continue, c'est de la part de Mamie Geneviève, pour Simone, pour l'animateur, merci. On va écouter Maurice Parouti et Nadine Poulier, l'orchestre de Nadine Poulier, et ça s'appelle « Fidèle à son village ». Je me suis enfui autrefois, seul j'ai sans détourner les yeux, sans entendre le chant des voix, ni du vent la peine mélodieux. Je n'ai pas su voir les beaux yeux qui un soir pleurèrent pour me retenir. C'est à mon tour de souffrir. Et mon cœur supplie rempli d'espoir. Rendez-moi mes côtes jolies, ma vieille maison, toutes mes belles chansons. Rendez-moi la fille jolie, dont les yeux malins sont couleur du matin. Si vous allez là-bas ramasser, voulez-vous un beau bouquet de houx et de jeunes en fleurs, pour moi voyez-vous tout cela. C'est le vrai bonheur au fond de mon cœur. Je m'ennuie sans mon vieux clocher qui tintait gaiement tous les matins. J'ai besoin de revoir les rochers, de marcher dans le creux des chemins.

23 minutes. Martino Rossi.

plus jolie, la plus sympa, la plus sexy, la plus extra, c'est Maria. Maria l'Espagnole, selon ton art, elle est cent fois les yeux fermés ou à mi-voix, c'est Maria. Maria l'Espagnole, elle est le soleil, la plaza, le clair de lune de la Rambla, c'est Maria. Maria l'Espagnole, la vie a changé tout à coup, toute l'Espagnette avec nous, viva Maria. Maria l'Espagnole, olé. Le clair de lune de la Rambla, c'est Maria. Maria l'Espagnole, la vie a changé tout à coup, toute l'Espagne est avec nous, viva Maria. Maria l'Espagnole, olé. Allez, j'ai une dédicace de ma part, de la part d'animateur, pour Marie-Jeanne et son époux. On écoute Dans ma Corrèze au mois de mai, et c'est passé, hein, par Christophe Coineau. Dans les prés ensoleillés, pour toi et moi ce renouveau sera toujours un vrai cadeau. Tant que dans ma Corrèze au mois de mai s'envoleront nos regrets. France pour moi, belle gitane, je suis pas à pas, tes rires et tes larmes, toi fille de roi, et moi pauvre diable, je berce les armes, ma belle gitane. Charme, je donnerai pour toi ma vie et mon âme, l'âme d'âme, ma belle gitane. En terre catalane, me suivrai au loin ta robe de flamme, jolie fleur d'Espagne, la belle gitane. que rien ne s'arrête, il faut bien continuer. Frappe dans tes mains et reprends ce refrain. Vive la fiesta, la rigolade et la nuitée. Viens danser, chanter et t'amuser. Ce soir c'est décidé, on va faire la fiesta. Déhanché, c'est pour bien biguiner. On ne sait pas comment tout ça s'arrêtera. Rigoler, s'empêcher de penser aux petits soucis qui nous rongent le quotidien. La gaieté est notre priorité. On n'est vraiment pas prêt d'aller se coucher. La la la la la la. Fiesta, la rigolade et l'amitié. Vive la fiesta, la rigolade et l'amitié. Vive la fiesta, la rigolade et l'amitié. Et je suis perdu, je suis au téléphone, n'est-ce pas? Puis au téléphone, ben, on passe son temps. Et puis les disques se terminent. C'était la fiesta, la rigolade par Manu Blanchet. Eh bien, on va changer un petit peu. On va revenir vers Virginie Pouget. Non, même pas, si. Les châteaux en Espagne. We'll be right back. je n'ose pas t'écrire, moi je vais te le dire en valsant. Sur un air de valse musette, tout ce que j'ai en tête sera plus éloquent. Je ne suis pas un as de la prose, mais je ressens les choses, pour toi c'est évident. Je ne passe pas par internet, je vais, c'est bien plus chouette de le dire en valsant. Pour toi, mon cœur bat la chamade, et mes rêves se baladent. Je ne vois plus mes amis, et je dors très mal la nuit. En ville, chaque jour, je te guette. Je te croise et tout s'arrête. Depuis des mois, c'est tout bête. T'as changé le sens de ma vie. Tout ce que je n'ose pas t'écrire, moi je vais te le dire en valsant. Sur un air de valse musette, tout ce que j'ai en tête sera plus éloquent. Je ne suis pas un as de la prose, mais je ressens les choses, pour toi c'est évident. Je ne passerai pas par internet, je vais, c'est bien plus chouette de le lire en valsant. Par internet, je vais, c'est bien plus chouette de le dire en valsant. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. C'est grâce à Arc-en-ciel que vous avez du soleil, parce que dehors, il n'y en a pas. Bon, on continue avec une dédicace. C'est de ma part pour José, qui se trouve actuellement hospitalisé, s'il m'écoute. On va écouter quelques passodobles interprétés par Luis Godino. Luis Godino, que voici, que voilà. Bon, alors il est mort ou il ne mord pas? Non, il ne veut pas. Ah, ça y est. C'est même pas lui. Ah, ben ça va mal, là. Bon, ben, on l'écoutera tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Je sais pas où. On réglera ça tout à l'heure. On écoute, en attendant, Karine Fontaine, le siffleur musette. We'll be right back. Et voici Louise Guadino, donc annoncée tout à l'heure de ma part pour José. En lui souhaitant bon courage et surtout une très bonne santé. Donc, avec son accordéon. Avec son accordéon piano. Je pense qu'il pèse au moins une vingtaine de kilos. Hein.